Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas. Le souverain des hommes. Ilahin nas. Dieu des hommes. Min sharril waswasil khannas. Contre le mal du mauvais conseiller, furtif. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Min al-jinnati wan-nas. Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être